réseau durera exactement 60 secondes. On ne peut le localiser, on ne peut l'interrompre. C'est la seule voix encore libre qui reste dans cette ville. Je ressens la souffrance dans mes versets comme un violeur dans la chatte. Votre cyber flash, souffle de la liberté. Faudrait que t'arrêtes de faire les trucs dans le mur comme ça. Cette cité, c'est pas un gruyère. Désolé, j'arrive pas à m'y faire. J'ai rien fait pour qu'on mette en cage. T'es pas en cage, camarade. Regarde. Elim, donne-moi où tu veux, si c'est chez toi. Le piratage du réseau durera exactement 60 secondes. On ne peut le localiser, on ne peut l'interrompre. C'est la seule voie encore libre qui reste dans cette ville.